Chapitre 3e. Une aventure de fantôme. Les conférences dont je vous ai parlé ci-dessus se terminaient assez souvent par des promenades dans le jardin. Feu Madame de Choisy en proposa une à Saint-Cloud, et elle le dit en badinant à Madame de Vendôme qu'il lui fallait donner la comédie à M. de Lisieux. Le bonhomme, qui admirait les pièces de Corneille, répondait qu'il n'en ferait aucune difficulté pourvu que ce fût à la campagne et qu'il y eût peu de monde. La partie se fit. L'on convint qu'il n'y aurait que Madame et Mademoiselle de Vendôme, Madame de Choisy, M. de Turenne, M. de Brion, voiture et moi. Brion se chargea de la comédie et des violons, je me chargeai de la collation. Nous allâmes à Saint-Cloud, chez M. l'archevêque. Les comédiens qui jouaient ce soir-là à Rueil, chez M. le cardinal, n'arrivèrent qu'extrêmement tard. M. de Lisieux prit plaisir au violon. Madame de Vendôme ne se lassait point de voir danser Mademoiselle sa fille, qui dansait pourtant toute seule. Enfin, l'on s'amusa tant que la petite pointe du jour, c'était dans les plus grands jours de l'été, commençait à paraître quand l'on fut au bas de la descente des bons hommes. Justement, au pied, le carrosse arrêta tout court. Comme j'étais à l'une des portières avec Mademoiselle de Vendôme, je demandai au cocher pourquoi il arrêtait. Il me répondit d'une voix fort étonnée : Voulez-vous que je passe par-dessus tous les diables qui sont là devant moi ? Je mis la tête hors de la portière, et comme j'ai toujours eu la vue fort basse, je ne vis rien. Madame de Choisy, qui était à l'autre portière avec M. de Turenne, fut la première qui aperçut du carrosse la cause de la frayeur du cocher. Je dis du carrosse, car 5 ou 6 laquais qui étaient derrière criaient « Jésus-Maria !» et tremblaient déjà de peur. M. de Turenne se jeta hors du carrosse au cri de Madame de Choisy. Je crus que c'étaient des voleurs. Je sautai aussi hors du carrosse. Je pris l'épée d'un laquais, je la tirai, et j'allais joindre de l'autre côté M. de Turenne, que je trouvais regardant fixement quelque chose que je ne voyais point. Je lui demandai ce qu'il regardait, et il me répondit, en me poussant du bras et assez bas, « Je vous le dirai, mais il ne faut pas épouvanter ces femmes, qui, dans la vérité, hurlaient plutôt qu'elles ne criaient. » Voiture commença un oremus. Vous connaissez peut-être les cris aigus de Madame de Choisy. Mademoiselle de Vendôme disait son chapelet. Madame de Vendôme se voulait confesser à M. de Lisieux, qui lui disait « Ma fille, n'ayez point peur, vous êtes en la main de Dieu. » Et le comte de Brion avait entonné, bien dévotement, à genoux avec tous nos laquais, les litanies de la Vierge. Tout cela se passa, comme vous pouvez imaginer, en même temps et en moins de rien. M. de Turenne, qui avait une petite épée à son côté, l'avait aussi tirée, et après avoir un peu regardé, comme je vous l'ai déjà dit, il se tourna vers moi de l'air dont il eût demandé son dîner, et de l'air dont il eût donné une bataille, me dit ces paroles « Allons voir ces gens-là ». « Quels gens ? » lui repartis-je. « Dans le vrai, je croyais que tout le monde eût perdu le sens. » Il me répondit « Effectivement, je crois que ce pourrait bien être des diables. » Comme nous avions déjà fait 5 ou 6 pas du côté de la savonnerie, et que nous étions par conséquent plus proches du spectacle, je commençais à entrevoir quelque chose, et ce qui m'en parut fut une longue procession de fantômes noirs, qui me donnait d'abord plus d'émotion qu'elle n'en avait donné à M. de Turenne, mais qui, par la réflexion que je fis, que j'avais longtemps cherché des esprits et qu'apparemment j'en trouvais en ce lieu, me fit faire un mouvement plus vif que ses manières ne lui permettaient de faire. Je fis 2 ou 3 sauts vers la procession. Les gens du carrosse, qui croyaient que nous étions aux mains avec tous les diables, firent un grand cri, et ce ne furent pourtant pas eux qui eurent le plus de frayeur. Les pauvres Augustins réformés et déchaussés que l'on appelle les Capucins noirs, qui étaient nos diables d'imagination, voyant venir à eux 2 hommes qui avaient l'épée à la main, l'eurent très grande. Et l'un d'eux, se détachant de la troupe, nous cria « Messieurs, nous sommes de pauvres religieux qui ne faisons de mal à personne et qui venons de nous rafraîchir un peu dans la rivière pour notre santé. » Nous retournâmes au carrosse, M. de Turenne et moi, avec les éclats de rire que vous vous pouvez imaginer. Et nous fîmes, lui et moi, dès le moment même, 2 observations que nous nous communiquâmes dès le lendemain matin. Il me jura que la première apparition de ces fantômes imaginaires lui avait donné de la joie, quoiqu'il eût toujours cru auparavant qu'il aurait peur s'il voyait quelque chose d'extraordinaire. Et je lui avouai que la première vue m'avait ému, quoique j'eusse souhaité toute ma vie de voir des esprits. La seconde observation que nous fîmes fut que tout ce que nous lisions dans la vie de la plupart des hommes est faux. M. de Turenne me jura qu'il n'avait pas senti la moindre émotion, il convint que j'avais eu sujet de croire, par son regard si fixe et par son mouvement si lent, qu'il en avait eu beaucoup. Je lui confessai que j'en avais eu d'abord, et il me protesta qu'il aurait juré, sur son salut, que je n'avais eu que du courage et de la gaieté. Qui peut donc écrire la vérité que ceux qui l'ont senti? Et le président de Tours a eu raison de dire qu'il n'y a de véritables histoires que celles qui ont été écrites par les hommes qui ont été assez sincères pour parler véritablement d'eux-mêmes. Ma morale ne tire aucun mérite de cette sincérité, car je trouve une satisfaction si sensible à vous rendre compte de tous les replis de mon âme et de ceux de mon cœur que la raison à mon égard a beaucoup moins de part que le plaisir dont la religion et l'exactitude que j'ai pour la vérité. Mademoiselle de Vendôme conçut un mépris inconcevable pour le pauvre Brion, qui, en effet, avait fait voir aussi de son côté, dans cette ridicule aventure, une faiblesse inimaginable. Elle s'en moqua avec moi dès que l'on fut rentré en carrosse et elle me dit « Je sens l'estime que je fais de la valeur, que je suis petite fille de Henri le Grand. Il faut que vous ne craigniez rien puisque vous n'avez pas eu peur en cette occasion. » « J'ai eu peur, lui répondis-je, mademoiselle, mais comme je ne suis pas si dévot que Brion, ma peur n'a pas tourné du côté des litanies. » « Vous n'en avez point eu, me dit-elle, et je crois que vous ne croyez pas au diable, car M. de Turenne, qui est bien brave, a été bien ému lui-même, et il n'allait pas si vite que vous. » Je vous confesse que cette distinction qu'elle mit entre M. de Turenne et moi me plut, et me fit naître la pensée de hasarder quelque douceur. Je lui dis donc, « L'on peut croire le diable et ne le craindre pas. Il y a des choses au monde plus terribles. »« Et quoi ? » reprit-elle. Elles le sont si fort que l'on oserait même les nommer. » Lui répondis-je. Elle m'entendit bien à ce qu'elle me confessa depuis, mais elle n'en fit pas semblant. Elle se remit dans la conversation publique, l'on descendit à l'hôtel de Vendôme, et chacun s'en alla chez soi.